Très très heureux de vous retrouver ce matin sur Sorgi FM pour ce rendez-vous qui est un rendez-vous dans une émission spéciale sportif, on vous l'a annoncé sur notre antenne, également dans les colonnes de nos confrères de la Tribune Républicaine, l'émission a été annoncée, merci. Un rendez-vous sportif avec un club dont on entend beaucoup parler ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est le Valserone Sport Boule Pétanque. Il faut s'accrocher quand même. En l'espace de 18 mois, ce club est sorti de son sommeil. Pas par la volonté du Saint-Esprit, il n'y est pour rien, mais parce qu'ici, à Valserone, il y a les moyens, il y a les bonnes volontés, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a l'envie de faire de ce club un vrai club. Et c'est possible. Preuve en est, depuis la nouvelle gouvernance, c'est comme ça qu'il faut le dire, un nouveau président et ses nouvelles têtes, sa nouvelle équipe. Alors, ça s'est évidemment pas toujours fait dans la douceur, forcément. Pas toujours avec les amabilités, mais bon, de temps à autre, il faut savoir ce que l'on veut et faire, comme on dit, un grand ménage. C'est ce qui s'est passé, on va en parler. Dans nos studios, notre invité, bien sûr, Patrick Pereira, je ne sais pas s'il fallait le citer parce qu'on vous l'a annoncé souvent, le président de Sorgi, le président de, du club, notre président Sorgi FM, Guy Catlan, et derrière la vitre, Ludo, à la réalisation. Bonjour tout le monde. Et puis, elle ne va pas parler parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas parler. Véronique Follet, merci d'être là. Guy. Oui, bonjour l'accueil à toutes et à tous. L'accueil du président. Oui, oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir choisi, encore une fois. Vous savez, ça fait un moment qu'on est arrêté dans ces émissions. Hein. On reprend un peu du poil de la bête. Nous, ça ne fait pas 18 mois que l'on prépare les choses. Ça fait 18 mois, en fait, parce que depuis que le Covid est arrivé, on est un petit peu dans la mouise. Mais ceci dit, il n'empêche que la vocation première de cette radio locale que vous connaissez toutes et tous, eh bien, c'est l'information locale. Et c'est ce qu'on privilégie. Alors, on a l'habitude de dire que Bellegarde, pardon, hein, Valserone aujourd'hui, mais comme je suis encore un peu vieux puis attaché à certains principes, je dirais Bellegarde sur Valserone. Allez, on peut le dire comme ça, Bellegarde sur Valserone. Bellegarde sur Valserone, pourquoi ? Parce que pendant des années, des siècles, j'allais dire, on a parlé et on parle toujours du sport bellegardien. Et alors, comme le disait Robert dans son introduction, effectivement, depuis 18 mois, le sport bellegardien, allez, il n'a pas hérité. Il n'a pas hérité autre chose que ce que nos anciens avaient déjà préparé bien avant. Hein. Mais c'est vrai que là, avec l'arrivée d'un président ultra bouillant, il est vrai que les choses vont véritablement changer. On ne peut que s'en réjouir. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je le dis et je le répète, l'information première de cette radio, c'est de rapporter, de colporter les bonnes nouvelles, mais aussi les mauvaises nouvelles. Et c'est ce que n'a pas oublié de faire Robert, parce que quelquefois, dans les associations, il faut savoir faire un peu le ménage, évidemment. Pour autant, mais je sais que ce n'est pas ton cas, Patrick, hein, faut jamais dénigrer ce qui a été fait auparavant. Voilà. Jamais. On parle d'un héritage. Voilà. On parle d'un héritage. Parce que, en définitive, nous aussi, on sort d'un héritage. Elle a été fondée, notre radio, il y a 37 ans. Mais si nos prédécesseurs n'avaient pas été là, on ne serait certainement pas là aujourd'hui. Et nous avons ce bonheur, effectivement, aujourd'hui, de partager des moments avec les sociétés bellegardiennes dont vous faites partie intégralement aujourd'hui. la parole va être bientôt à Patrick, mais j'en profite à Robert pour parler un petit peu, parce qu'après on n'aura plus le droit de rien dire, parce qu'il est tellement accaparateur de la parole que... Non, mais c'est l'envie aussi. Et moi, je le comprends, hein, Et voilà, c'est un bouillant en plus, il a toujours été bouillant. Et non, c'est pas des erreurs. Moi, je trouve que c'est une qualité. Après, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il ne faut jamais se brûler les ailes. Je ne m'emballe pas. Voilà. Je ne suis pas le mec à m'emballer. Ça va, Patrick, vous avez pas les boules ? Non. Oh, je voulais la faire, celle-là, c'est fait. Oui, Robert, pardon, à la pétanque, il n'y en a que trois. Donc, trois boules. Non, il n'y a pas de problème, je n'ai pas les boules, bien au contraire. En tout cas, je suis content d'être que vous m'ayez invité. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vais remercier déjà Sorgia FM, parce que en un an, ce que vous avez fait pour nous déjà, moi je le dis, hein, je le dis honnêtement, vous savez, j'ai pas la langue de bois, je suis clair, je suis net et je suis précis dans ma vie. Sorgia FM, j'écoutais pas. Bah oui. J'écoutais pas. Et un coup, j'ai fait connaissance de Robert. On en a parlé un petit peu parce que, voilà, avec mon travail, on a pu se voir un petit peu. Et un coup, un jour, on a parlé de boules, on a parlé de ça. Et j'ai mis Sorgia FM une fois et j'ai entendu Valseron Sport Boule par-ci. Les informations de ma ville, parce que je suis quand même né à Belliard, hein. Je suis un vrai Belliardien, moi. Oh oui, un vrai de vrai. On le sait. Un vrai de vrai. Je suis né ici, moi. Donc, et j'ai dit, ouh, c'est pas mal. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Voilà. Déjà, on en est là. Bon. 2019, on prend les rênes d'un club, on devient président. Les choses n'ont pas... Non, pas 2019. L'histoire a quand même... Oui, l'histoire, ça commence à bouger. Enfin, l'histoire, pour moi, a commencé... Moi et René Cavazza a commencé en novembre 2019. Véritablement, en juillet 2019, où l'ancien président est venu me chercher en me disant, voilà, moi, je jouais à la pétanque à un bon niveau. J'étais sur Annemasse pendant 10 ans. J'ai joué à Annemasse pendant 10 ans. Et moi, j'ai arrêté la pétanque il y a 3-4 ans. Et cet ancien président, je connaissais un peu, il me dit, Patrick, j'ai besoin d'un mec comme toi, viens m'aider à voir ce qu'on peut faire dans le club. J'ai dit, ok. Donc je suis venu au mois de juillet, j'ai regardé ce qui se passait et il y a des choses qui ne m'ont pas bien plu. Donc en novembre 2019, je suis rentré dans le bureau comme simple membre. Mmh. Et de là, des choses ne m'ont pas plu non plus, encore plus. Donc là, on s'est pris dans la main, René Cavazza et moi-même. Le président a démissionné. On a fait une assemblée extraordinaire le 7 mars 2020, où on a été élus, René et moi, on a fait une coprésidence parce que moi, je n'étais pas destiné à être président. René n'était pas très non plus chaud à être président du club. Mais quand on a foutu notre merde, après, faut assumer les choses. Donc on a assumé. Donc voilà. Donc nous sommes partis en novembre 2019 avec 18 licenciés. En mars, on est arrivé à 32 licenciés. Et on a passé 8 mois, mars à novembre 2020. On est passé période Covid. Hein, tout le monde y est passé par là. Mais je pense qu'on est l'un des clubs qui a fait le contraire des autres. Nous, on a triplé nos licenciés. 18-62. Comment ? Je ne sais pas. On a travaillé. C'est le Saint-Esprit. On a travaillé un petit peu quand même. Non, on a travaillé un petit peu. On ne va pas raconter de bêtises. On a travaillé un petit peu. Mais il est vrai que c'est quand même bizarre ce qui nous est arrivé. Et on n'était pas... On n'était pas prêt à ça. On n'était pas prêt d'avoir 62 licenciés, 63 licenciés. On avait un bureau, ouais, un petit bureau où chacun jouait dans sa cour, en fin de compte, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Et puis voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons commencé à faire une équipe, deux équipes, trois équipes, quatre équipes championnat des clubs. Deux équipes seniors, une équipe vétéran. Et j'ai dit à René, il faut qu'on fasse une équipe féminine. Ça s'est jamais vu à Belliard, il faut faire une équipe féminine. Et on a, pour une fois, on a monté une équipe féminine. Il n'y avait pas d'équipe féminine. Ça s'est jamais vu à Belliard. Ça s'est jamais vu. Et nous avons monté une équipe féminine, donc avec une équipe féminine, c'est six joueuses. Donc nous sommes partis avec une fille qui est quand même qui a signé chez nous l'année dernière, qui est quand même trois fois championne de Savoie, doublette mix, qui est venue signer chez nous parce qu'elle habite à Châtillon maintenant, elle travaille à Sourbelliard. Nous avons une fille qui joue à la Lyonnaise, qui joue beaucoup à la Lyonnaise, donc qui connaît un peu la pétanque. Et nous sommes arrivés avec trois filles qui ne connaissaient rien de la pétanque. Et ces filles-là sont parties faire le championnat des clubs, donc six rencontres dans le haut gratin du département de l'Ain. Elles ont fini 6e sur 8. C'est splendide. Qui a donné le virus à ces filles? Parce que je ne sais pas. Bah, j'étais moi un petit peu. Je pense que j'ai fait le coach. Bon, elles ne me veulent plus. Hein. Je vous annonce tout de suite. Elles m'ont viré. Hein. Elles m'ont viré coach. Je ne suis plus coach. Hein. Déjà, elles m'ont viré. Elles m'ont dit stop. Je ne pouvais pas. J'étais insupportable. Mais le club ne pouvait pas se passer d'une équipe féminine. C'était assez logique, Patrick. Bah, pour moi, oui. Part. C'est un sport, oui. C'est obligé. C'est le plus beau jeu. Le plus beau jeu de pétanque, pour moi, c'est le doublette mixte. Il y en a qui vont me reprendre, qui vont me dire c'est pas vrai, c'est le triplette. Moi, pour moi, le plus beau jeu de pétanque, c'est le doublette mixte. Voilà. Moi, j'ai joué à un bon niveau. Je dis que le plus beau jeu, c'est un homme, une femme à la pétanque. D'accord. Et ils voulaient mettre la pétanque, la preuve, ils voulaient mettre la pétanque aux Jeux Olympiques 2024. Ça ne s'est pas fait pour certaines raisons. Pour moi, j'ai mes raisons pourquoi ça ne s'est pas fait. Mais ils voulaient mettre le doublette mixte aux Jeux Olympiques. C'était le doublette mixte, la priorité. Ah, ouais. Pour moi, c'est le plus beau jeu de la pétanque. Mais Patrick, sans vouloir te reprendre, mais dans le sport boule et dans la Lyonnaise en particulier, on voit souvent une femme. Donc ça existe quand même. Bien sûr. Mais pas à Bellegarde. Ça n'existait pas à Bellegarde. Ah, ouais. Ça n'existait pas à Bellegarde. De toute façon, Bellegarde n'a jamais. Alors Bellegarde, pendant des années, enfin, moi, j'étais extérieur, hein, parce que je vous dis, moi, je venais jamais dans ce club. J'étais licencié sur Haute-Savoie, donc je vous dis, pendant 10 ans sur Annemasse, je voyais de l'extérieur. Ce club a dépéri. Moi, je suis parti en 2000, je vais pas raconter de bêtises. J'ai pris ma première licence en 2006. J'ai dû partir de Bellegarde en 2008 ou 2009. Donc j'ai signé à Saint-Julien parce que Saint-Julien est venu me chercher, donc j'ai signé à Saint-Julien et après de Saint-Julien je suis parti à Annemasse, donc de 2011 2018 après j'ai arrêté, je l'ai fait en quoi, voilà, j'étais à Annemasse. Donc moi je voyais les choses de l'extérieur. Le club je vais pas critiquer mes prédécesseurs parce que ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils sentaient faire. Ils n'étaient pas dans le même objectif que moi. Ils voulaient un club peut-être plus loisir que sportif. C'est pas une critique que je fais. Hein. Oui, non, mais puis, qu'on soit bien clair. Hein. Moi, j'ai connu le club en 2008 à 108 licenciés. Hein? 2008, ah, ouais. 108 licenciés. Et je suis arrivé en novembre 2019 avec 18 licenciés. Donc, c'est qu'il y avait quand même un souci, quoi. Enfin, mais un souci avec. Mais c'est pas une personne, hein. Non, parce non, qu'il y a non, quand non, même non. eu trois présidents, hein, entre temps. Donc, c'est quand même. C'est quand même. Ouais, c'est pas une personne, hein. Ouais. Ils avaient pas les mêmes objectifs, hein. Mais est-ce qu'on a envie de rester, Patrick, dans un club quand il végète? Un peu quand il se passe rien de spécial? Je alors, sais pas, c'est une question. Alors, hein, c'est... Tous les bons joueurs de Bellegarde sont partis en Haute-Savoie jouer parce que nous, on a juste à traverser le pont puis en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, il n'y a que des bons clubs de pétanque. Enfin, des bons clubs de pétanque, oui. Saint-Julien, Annemasse, Gaillard, c'est tous des gros clubs. Maglan, je ne sais pas si vous connaissez. Rumilly qui a un pôle pétanque, 40 km. On a les plus beaux boulodromes. Haute-Savoie a les plus beaux boulodromes. Rumilly a l'un des plus beaux boulodromes de France. Ça, c'est à voir. Il faudra aller le voir. C'est magnifique. Rumilly a quand même organisé deux championnats de France. Le championnat tête-à-tête et le championnat doublette mixte. Voilà, à 40 km de chez nous. Ville de 14-15 000 habitants, Rumilly, je crois, à peu près. Parce que la pétanque, c'est 200... Rumilly, un exemple, c'est 220 licenciés. 15 000 habitants. Pourquoi Valserone n'y arriverait pas? Moi, il faut qu'on me donne pourquoi eux et pas nous. Voilà, après. Vous êtes sur la bonne pente, là. Ouais, non, mais jusqu'à 60. Hein, et il faut multiplier par 3, encore, par 4 presque. Non, mais je vais prendre un autre exemple. D'autres exemples. Nantua, 5 000 habitants, 130 licenciés. Bellegarde, Valserone, 18 000 dépoussières, 60 licenciés. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Ou qui n'allait pas. Non, qui va pas. Qui va pas, ça va pas. 60 licenciés, ça va pas. Ça va pas. Non, tu as 130. Ça va pas. Patrick, est-ce qu'on pourrait peut-être prendre pour exemple, on prend pour exemple la ville de Bellegarde et on prend pour exemple la ville de Nantua. La ville de Nantua, 14 000 personnes, non, pardon, 5 ou 6 000 habitants. C'est une petite ville, je vous l'accorde, je te l'accorde, c'est pas le problème. Oui, non, mais c'est parce que mon propos, c'est pas ça. Mais est-ce que le problème ne vient pas aussi du fait qu'à Bellegarde, une soixantaine d'associations sportives, à peu près autant, si ce n'est plus, d'associations culturelles. Bon, je m'excuse quand même. Il y a du monde. Quand on prend le rugby, il y a plus de 200 licenciés. On prend le football, entre les deux clubs aujourd'hui, il y a pratiquement 300 licenciés. Les EVB Basket, qui sont un fleuron aussi. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait que... Et puis, pardon, il y a aussi la boule lyonnaise, parce qu'on n'a pas tendance, on ne va pas l'oublier, la boule lyonnaise. Il y a plusieurs clubs à Bellegarde. Il y en a plus que deux. Mais ça existe. Bien sûr. Est-ce que ça ne peut pas être ça, le frein? Il faut aller les chercher. Oui, d'accord, bien sûr. Il faut aller chercher ces gens-là. Je vois pourquoi on n'aurait pas une école de pétanque. Oh, c'est dans les objectifs, ça, Patrick. Ouais, on t'en parlera après. On va parler déjà de ça. Oui, pourquoi pas. Moi, je connais un club qui s'appelle Pont-de-Vaux. Pont-de-Vaux, je ne sais plus, 5700 habitants. J'ai fait connaissance avec eux il y a combien? Deux mois. On a fait connaissance avec le président. 45 jeunes, 8 éducateurs. 5000 habitants. Moi, ça me... Moi, je suis stupéfait. Mais à Pont-de-Vaux, il y a d'autres clubs de... Non. De sport voilà, de... Oui, ils ont beaucoup de sport. Ils ont beaucoup d'activités sportives. Ils ont un club de foot, ils ont un club de rugby, ils ont un club de lyonnaise. Ils sont comme Bellegarde, Val-sur-Rhône, parce que j'arrive plus trop. Non, on est comme à Val-sur-Rhône. Val-sur-Rhône, c'est 18 000 habitants. Oui. On est trois fois plus... Pont-de-Vaux. Bellegarde, Val-sur-Rhône n'a jamais eu une école de pétanque. Pourquoi? Parce que la pétanque, c'était... Alors... La pétanque, alors moi je vais vous dire, quand je vais au travail, plus maintenant parce que je joue plus trop, mais quand j'étais au bout de travail, je disais tiens, ce week-end je vais faire un concours de pétanque, tu vas te saouler la gueule. Ça, c'était l'image que vous essayez, Patrick, de gommer. Alors, concours de pétanque, buvette et apéro, c'est ça ? Moi, je ne buvais pas. Je n'ai jamais bu dans un concours de pétanque. Désolé, moi, la pétanque, vous pouvez regarder les grands joueurs sur l'équipe 21, ils ne sont pas souvent. Les mecs, il n'y en a pas un qui boit. Cette image à Val-sur-Rhône, moi, je m'en fous des autres. À Val-sur-Rhône, je veux qu'on dise pétanque, sport. Pas pétanque, boire, non, ça n'existe plus. Il faut arrêter cette image. C'est pas parce que je vais jouer à la pétanque que je mets un choc, je mets des claquettes et puis je vais me faire bronzer. La pétanque, moi je défie n'importe quel citoyen bellegardien, n'importe lequel, qui vienne me rencontrer et qui fasse une partie de pétanque, mais une vraie partie de pétanque. Et qui me dise ce qu'ils en pensent à la fin de la partie. Mais on joue sérieux, on ne met pas de claquettes, on joue à la pétanque. Et qu'ils viennent me voir à la fin. Et ils me disent si c'est un sport ou si c'est un loisir. Après, il faut garder le loisir. Les petits retraités qui veulent venir faire leur partie. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est à l'intérieur du club, on peut faire deux clubs. On peut faire un club loisir, un club sportif. Ça, c'est tout à fait faisable. Moi, j'ai joué dans un club comme Annemasse, 115 quand je suis parti, 115 licenciés. Il y avait deux clubs dans le club. Le loisir. Par contre, le loisir venait aider le sportif quand il avait besoin. Par contre, le sportif dégageait de l'argent pour aller... Pour faire fonctionner le loisir. Voilà. Et ça marchait très bien. Ça fonctionnait très bien. Pourquoi pas, pourquoi on n'y arriverait pas à Bellegarde sur Val-sur-Rhône? À Val-sur-Rhône. C'est Sport Boule. Alors, si tu permets. Vas-y. On se tutoie, parce que... Heureusement, Guy, on se connaît depuis... depuis que t'étais gamin. Je pense, ouais. On parle de Val-sur-Rhône. Est-ce que dans les esprits, on a oublié Châtillon, on a oublié Lancran et on a oublié Bellegarde? Moi, tu m'enlèveras pas de l'idée que malgré tout, on s'appelle Valserone aujourd'hui. Mmh. On regroupe les trois communes. Mmh. Moi, j'habite Arlot. Mmh. T'es arlouien ? Ouais. Ouais. Alors, eh ouais. Alors. Non, mais tu vois ce que je veux te dire ? Mais non, mais tu vois ce que je veux dire ? Moi, je vais te reprendre après. Attention. C'est pas, je ne suis pas en train de lancer un boulet contre Pierre-Paul Jacques. Non, je comprends bien, je comprends bien. Il y a quand même l'identité du clocher, comme on disait avant. Alors moi, je vous défie que cette année, il y aura un concours à Châtillon, un concours à Lancan et un concours à Belliard. C'est très bien, ça. Voilà. Ben voilà. Et on est Valserone. Eh ben voilà. Voilà, moi, je mets tout le monde au défi. Hein. Eh ben voilà. Moi, j'adore mettre les gens au défi. Moi, je vous dis, hein, de toute façon, n'importe quel citoyen qui me parle, pétanque, alcool, il vient me rencontrer à la pétanque. Et on fait un tête-à-tête. Et encore, je ne joue plus, hein. Mais à la fin de la partie, il va me dire si on boit. Moi, je ne bois pas. Je suis désolé, je ne bois pas d'alcool sur un terrain de pétanque. Je fais du sport. Je n'ai jamais vu un joueur de foot rentrer sur un terrain bourré. Jamais vu. Moi, j'en ai vu, moi. Oui. Non, mais je parle à l'heure d'aujourd'hui. Un joueur à l'heure d'aujourd'hui. Le mec qui fait du sport à un bon niveau. Moi, je suis désolé. La pétanque, maintenant, vous rentrez dans un carré d'honneur, c'est contrôle l'alcoolémie. Contrôle, contrôle pour les stupéfiants. Dès que vous rentrez dans un carré d'honneur, c'est les huitièmes de finale. Donc maintenant, c'est contrôle l'économie, contrôle le stupéfiant. Donc, c'est un sport de haut niveau. Ah, mais moi, je reconnais. On doit être, je crois, si je n'ai pas les chiffres exacts, on doit être le cinquième sport en licencié en France. On est 227 800 licenciés. Le Covid a fait mal. Hein. Ouais. Je pense qu'on a perdu 30 ou 40% de... Ils ont perdu 30%, je crois, la fédération. C'est 227 000 licenciés, la pétanque. Et 227 000 sur 227 000, vous en avez 150 000 qui jouent à un haut niveau. Hein. Moi, je défie. On est allé voir Trévoux, les Masters Trévoux. On est allé voir le National de Trévoux, où vous avez tous les plus grands champions, les Dylan Rocher, les Lacroix, les Pierre-Paul Jacques. Les mecs, ils boivent pas, hein. Pas rêvé, hein. Nous, on a eu Belliard. De toute façon... On a eu le concours de la Pentecôte, où on a eu quand même le vice-champion du monde, Franck Millot, enfin, demi-finaliste du championnat du monde et vice-champion d'Europe, Franck Millot. Moi, j'ai jamais vu Monsieur Franck Millot, c'est un grand copain à moi, Monsieur Franck Millot, boire une goutte d'alcool pendant son concours. Il boit sa bière comme tout le monde à la fin de son concours, mais se saoule pas. Donc, il faut arrêter cette image, pétanque égale alcool. Ça, c'est stop. Je sais pas si vraiment t'as raison, Patrick, en disant ça. Je veux pas me faire le défenseur du diable, hein. Mais il est vrai aussi que parfois, hein, dans les jeux, quels qu'ils soient d'ailleurs, le sportif de haut niveau ne boit pas. Le sportif occasionnel, le petit pépé, comme tu disais tout à l'heure, qui va aller au jeu de boules à Bellegarde, il va boire son canon de rouge. Il va boire son deuxième canon de rouge. Et puis, mais ça, tu ne pourras jamais empêcher ce genre de choses. Non, mais il y a entre boire alors, et se mettre le capot. Hein. Patrick, je ne suis pas en train de te dire que voilà, ce n'est pas systématique. Ouais. Est-ce que, je crois qu'il faut faire attention quand on parle comme ça par rapport au sport. Parce que... On l'a beaucoup dénigré. Le sport boule a été beaucoup dénigré, mais même la longue, la lyonnaise. Bien sûr, bien sûr. Tu parles de la pétanque, mais c'est le même cas pour la lyonnaise. Hein. Tout à fait. Et donc, moi, je trouve quand même que c'est quand même un peu regrettable. Alors, je trouve que c'est regrettable pour les gens qui s'incitent et qui incitent à boire. Mais ça, tu ne pourras jamais l'empêcher. C'est dans tous les sports, ça. Tu parlais tout à l'heure le sport de haut niveau. On parlait tout à l'heure de sport de haut niveau. Les grands sportifs ne boivent pas. Je m'excuse. Moi, j'ai connu, j'ai assisté à des matchs internationaux. Deux, c'est pas 50, deux, notamment de rugby. Ben, je t'explique pas à la fin du match. Hein. Internationaux, je te parle. Oui, oui, oui. Je me souviens, moi, d'un match France, j'oublie, au Grand Café de Paris, avec Jacques Arbez, le père Michaud. On est allé, on était là ensemble, hein. Ben bonjour, hein, bonjour les dégâts. Non alors, mais là, Guy, là tu me parles du troisième mi-temps, tu me parles de l'après-match. Après le match. Moi je te parle pendant. Ouais, non mais d'accord. Ouais, ouais. Moi je parle pendant. Mmh. Ouais, d'accord. Moi, je ne parle pas. D'accord, l'après, d'accord. L'après, qui n'a pas non, jamais mais, fait la bringue. Ce que je voulais dire, ce que je voulais dire par là. Moi, ce que le premier, je voulais dire. Hein. Non, mais je suis, encore une fois, faut pas prendre mal mes propos. Non, hein. Non, mais je prends pas mal. Bien au contraire. Moi, j'aime crois, bien. Ouais, je crois qu'il faut. C'est quelque chose dont il faut débattre. Alors après, moi, attention. Hein, le mec est bourré sur un terrain. Je suis pas d'accord. Hein. Voilà, je suis bah, pas c'est du c'est tout ce que d'accord. Je suis en train de te dire. Parce que d'abord, c'est pas beau. C'est ça que je veux. D'abord, c'est pas beau. Et tu dénigres le sport. Eh ben, on est d'accord. Alors moi, enfin, moi, je parle de moi parce que moi, je te défie, Guy, ou je défie Robert, ou je défie n'importe qui. On va dans la rue de la République, ouais. On prend 10 personnes, et il y en a sur 10, il y en a 8 qui vont te dire ah bah pétanque, ils vont boire. Ça, cette image, je la veux plus. Ouais, d'accord. Moi, personnellement, je la veux plus. Je voudrais qu'on dise putain, la pétanque, oh, comme on a. Moi, j'ai eu des élus qui sont venus pour la journée de la Pentecôte, qui ne connaissaient pas la pétanque, qui ont dit « Wouf !» Oui, mais ça, c'est sûr. On a reçu la finale du championnat départemental de première division, la montée en régionale. On a des gens qui ne connaissaient pas, qui disaient « Wouf !» Ça joue, ouais. Et ce n'est pas le niveau, c'est division départementale. Là, on a Nantua qui est en championnat des clubs national. Moi, j'espère qu'un jour ils viendront chez nous. Mais la pétanque, c'est trop beau à voir jouer, quand c'est bien joué. Ah ben moi, tu sais, alors je te suis parfaitement, là, à 200%. Mmh. Quelquefois, je regarde la 21. Hein, L'équipe 21, ouais, les masters. Ouais, alors là, quand il y a des. Mais les masters, championnat des villes. Ah, tout à fait. Villes, je veux dire, bon, t'es là, assis. Là, il va avoir championnat des villes au mois de décembre. T'es sur le cul quand tu vois ça, c'est sûr que ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est aussi vrai pour la Lyonnaise, c'est aussi vrai pour tous les sports. Tous les sports. Et là, c'est les sportifs, quoi, voilà, tout simplement. Tout à fait. Mais on mélange pas les choses. Moi, je crois que c'est tout en ton honneur, hein, de vouloir arrêter un petit peu cette vision qu'on peut la avoir. La vision, moi, je parle voilà. De vision, hein, ouais, je parle bien ouais, de vision. Ouais. Après, voilà. Ouais. J'étais en train de penser à la chaîne L'Équipe. Est-ce que c'est le genre de quand on voit les compétitions à effacer cette image de pétanque apéro. Oui, quand on voit des choses magnifiques, mais c'est du sport de très haut niveau déjà voilà. Là. Bah oui, quelque mais c'est part, ça. Oui. Donc c'est quand même en train d'évoluer dans les esprits. Mais pourquoi ? Parce que la pétanque, équipe 21 a montré ce que c'était la pétanque et ça a fait l'équipe 21 depuis 4-5 ans joue le jeu avec la pétanque. Ils ont fait un partenariat avec c'est quarterback en fin de compte parce qu'au départ c'est quarterback. Quarterback qui a fait un partenariat avec la Fédération française. Et ils essayent de faire. Le seul problème que je trouve dans cette histoire, c'est qu'ils font de plus en plus de ligues refermées pour que ces grands joueurs restent entre eux. Ah ouais. Et ça, pour moi, ça devient problématique parce qu'ils essayent de faire de plus. On était l'un des seuls sports où on pouvait jouer contre un champion du monde. Ça peut toujours. Là, on peut toujours faire. Hein. C'est un des seuls sports où on peut jouer contre un champion du monde et battre un champion du monde. C'est un des seuls sports qu'on peut le faire. Au foot, vous n'allez jamais gagner l'équipe de France. Hein. Vous pouvez mettre Concordia, ils ne gagneront pas l'équipe de France. Je ne critique pas Concordia parce que j'ai quand même toute ma famille qui était à Concordia. Donc, mais ce que je veux dire, c'est un sport... Tu fais gaffe, il y a Maurice qui t'écoute. Là. Ah oui, et puis le père du parc aussi. Bref. Donc... Ce que je veux dire, c'est que nous, la pétanque, tu peux... Enfin, je veux parler de moi, parce qu'encore une fois, j'aime pas trop parler de moi, mais on va parler de moi. Moi, j'ai battu M. Suchot à la pétanque, qui est quand même 11 fois champion du monde. Sur une partie. Il était sous ce jour-là. Non, mais sur une partie. Sur une partie, c'est un sport. C'est un sport qui est tellement... psychologiquement, ouais. C'est tellement dur. Il, lui, a joué à 80% de sa valeur, et moi, j'étais à 120. Ouais, et donc, à un moment donné, ça fait la différence. Ouais. C'est un des seuls sports hein, qui est comme ça. Et il y a le petit brin de réussite que il n'y a pas dans beaucoup de sports. Au tennis. Vous prenez un tennisman de Belgium. J'adore le tennis. Hein. Est-ce qu'il va battre Nadal ou Djokovic ? Non. J'y crois pas. Non. J'y crois pas. À moins qu'on ait un phénomène qui arrive à Belgium. Ouais. Mais à l'heure actuelle, qui peut battre Nadal et Djokovic à Belgium ? À la pétanque, moi j'ai 7, 8, 9, 10 joueurs qui peuvent battre un champion du monde. Ôte-moi d'un doute, la partie psychologique est importante dans une partie de pétanque. On ne se rend pas compte, parce que je me dis, pétanque, alors, on a une boule, hop, on tire, tu pointes. Alors, mais la partie psychologique aussi. Alors, je vais encore parler de mon cas. Mais parle de toi. Moi, techniquement pétanque, je ne suis pas une exception. Je ne suis pas un adroit de nature, je ne suis pas... Mais j'ai un mental... Il y a des gens qui sont présents là, qui me connaissent. J'ai un mental d'anthologie. Moi, je n'ai jamais perdu. Voilà. Et j'ai gagné énormément de parties avec ma tête et ma persévérance de gagner. Ouais. J'ai battu, je vous dis, j'ai battu des bons joueurs, des très bons joueurs. Et je pense que je suis apprécié sur les terrains en Haute-Savoie ou dans l'Ain, parce que j'ai ce truc, voilà. Je suis une autre personne quand je rentre sur un terrain de pétanque. Le mental. Ah, le mental. C'est 50-50. Voire quelquefois même plus. 50-50. Le mental, c'est là-dedans. Vous savez, moi, je défie, pareil, on a les Malgaches qui viennent toutes les années en France. Hein. Donc, c'est des gens qui touchent par mois 200, 300... Je parle toujours comme ça, moi. Qui touchent 200, 300 euros par mois. Et ils viennent toutes les années, ils ont 11-12 joueurs qui viennent en France, donc ils font le tour de la France, et ils font tous les nationaux, ils viennent par là, et donc c'est des champions du monde. Un malgache, lui à 12-12, la partie va lui coûter, la boule qui va tirer va lui rapporter 100 euros. Un Pereira Patrick, à 12-12, la boule à 100 euros, à la rigueur, il n'en a rien à carrer. Rien à foutre. Mais lui, 100 euros. C'est la moitié d'un salaire. Ouais. Je suis persuadé que lui va plus rater la boule que moi je vais la rater. Pourquoi ? Parce que lui, il en a besoin, moi, j'en ai pas besoin. Et ça, bien sûr, ça, mentalement, effectivement, ça... Ah. Patrick, moi, j'ai envie de devenir champion du monde demain. Je fais comment ? Je m'inscris chez... Pas à Belliard, pas à Valserone. Non, mais je commence par le début. Oui, vous commencez. Commence à Valserone. Viens chez moi. Boule de pétanque dans les matchs. Oui, je fais comment ? Trois boules de pétanque. Je m'inscris, je viens et puis je joue. Alors, vous venez chez nous, on vous accueillera, on vous prêtera des boules, on vous donnera des conseils pour acheter des boules. Une paire de boules, ça vaut 80 euros. Hein, c'est pas, voilà. Une licence chez nous, c'est 40. Bon, on a augmenté les licences cette année à 45 euros. C'est un sport qui n'est pas très très cher. Après, il y a les inscriptions au championnat. Les championnats, c'est le club qui prend en compte. Les championnats des clubs, c'est le club qui prendra en compte. Après, la personne qui va aller faire sa concours, elle payera ses concours. Une inscription de concours, c'est 4 euros par personne. Voilà. Après, c'est pas très, très cher. La pétanque, quand moi je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup, il y en a d'autres, hein. Une saison de pétanque, moi, me revenait entre, on va dire, 2 et 3 000 euros. Parce que je faisais le tour de la France, je faisais tous les nationaux, voilà. Mais autrement, jouer dans un rayon de 50 km, ça ne coûte rien la pétanque. Si, 45 euros de licence, chez nous, une paire de boules à 80 euros, une paire de boules fait 3 ans, 4 ans, si vous ne jouez pas tous les jours. Voilà. Et puis les tenues. Les tenues, tu n'es pas obligé de l'avoir. Oui, mais quand on fait partie d'un club quand même... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une obligation. Oui, ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de faire un... Il n'y a que pour aller faire le championnat des clubs que tu es obligé d'avoir ta tenue ou les grands nationaux. Un petit concours départemental, ça prend de la tenue. Donc, celui qui ne veut pas la tenue, il ne la prend pas. Hein. Parfois, c'est dommage. Hein. Il y a eu ces dernières semaines ou derniers mois de jolis rendez-vous. Tu parlais, Patrick, de championnats départementaux de pétanque par équipe. Il y a eu du monde, là. Et ça s'est bien passé. Bon, la météo n'était pas forcément... Ça n'a pas beaucoup gêné. Alors, mais on a eu de la chance qu'on a pu pratiquement tout jouer le matin. Donc, on a reçu la montée en régional féminin et masculin à Belliard. Donc, 4 équipes. Donc, Nantua... les deux plus gros clubs hein, de département. Donc, Nantua et Pont-de-Vaux. Pour moi, hein, je dis bien les deux plus gros clubs, c'est pour moi. Mais... Quand on dit Nantua Pont-de-Vaux, c'était quand même l'équipe 2 de Nantua et l'équipe 3 de Pont-de-Vaux qui jouait une montée en régional. Un exemple, nous on est en 3e division avec notre équipe 1. Je vous donne simplement un petit exemple. Hein. Et là, il y a 3 divisions d'écart déjà. Avec l'équipe 2 de Nantua et la 3 de Pont-de-Vaux. On a 6 divisions avec l'équipe 1 de Nantua. Hein. On doit avoir 6 ou 7 divisions avec l'équipe de Pont-de-Vaux. Hein. De différence ? De différence. Hein. Eux ont joué la montée en régionale. La montée en régionale avec leur équipe 2 et l'équipe 3. Nous, on n'a pas réussi à monter en deuxième division avec l'équipe 1. Le niveau, il y a quand même un problème à quelque part. Hein? Tout s'apprend, Patrick. Mais tout ça, oui. Mais non, c'est une histoire d'état d'esprit. Non, mais en même temps, faut participer à ces grands concours. Mais, parce que c'est comme ça que tu apprends aussi. Mais il faut changer, il faut tout changer. Il faut changer la mentalité des gens. On ne vient plus à Val-sur-Rhône Sportboul. Quand on veut faire partie de l'équipe de championnat des clubs, on vient plus pour rigoler ou pour boire. On vient pour jouer, on vient en jouer pour notre maillot et pour le maillot de Val-sur-Rhône Sportboul. Oui, mais je crois que c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi dans tous les clubs. Hein. Voilà. En général, quand on aime son club, oui, on essaye de bien y figurer et de bien se comporter. On va revenir encore sur l'histoire pétanque, loisirs, oui, apéro. Ça, maintenant, il va falloir faire pétanque, sport, gagner, monter. Voilà. Oui. Mais ça, il faut le faire passer aux gens. Faut le faire passer, c'est pas toujours évident. C'est pas gagné. T'es persévérant. Mais c'est pas gagné. Mais moi, je suis. C'est presque joueur par joueur qu'il faut oui, convaincre. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on a une quinzaine de jeunes de 20 à 35 ans. Ouais, mais voilà. Qu'on signe chez nous et qu'on le truc, puis je leur mets un peu la pression. Pas de pression, j'aime pas, j'en parle pas de pression. Un petit peu de niaque, les engueuler quand ils commencent à prendre leur téléphone sur un terrain de pétanque, quand ils vont s'asseoir sur un banc pendant une partie, ça passe pas, ça. Donc voilà, c'est des jeunes qu'il faut qu'ils. Oui, mais on a de très très bons jeunes, hein, on en a un ou deux. Et je pense que ça va être on a un petit jeune qui s'appelle Aurélien Colorant-Vinet. Je pense que c'est un petit jeune qui va être très très bon. Sauf que là, il m'énerve. Mais bon, il prendra des tartes, mais c'est pas grave. Non, mais il a envie en tout cas. Mais après, j'en ai deux, trois autres. J'ai Christophe Pédicaud qui est pas mal. On a deux, trois petits jeunes. Maxime, il y a Hugo qui va signer cette année chez nous. C'est tous des petits jeunes qui ont moins de 30 ans et qui ont envie de jouer à la pétanque. Ouais, ouais. C'est un sport d'avenir, la pétanque. Hein, je vous annonce. Hein. Moi, je vous annonce que la pétanque, c'est un sport d'avenir. Vous verrez. Oui, qui peut se pratiquer d'ailleurs à tout âge. Hein. À tout âge. De 7 à 90 ans. Nous, on a un ancien, je n'aime pas Michel. Michel, il a 78 ans, c'est le meilleur joueur du club. C'est le meilleur joueur du club. Tu sais, Patrick, mais on parle de la pétanque compétition. Et oui, ça, c'est tout en ton honneur, parce que je sens quand même que tu as une verve là. Tu veux faire quelque chose de ce club, c'est tout en ton honneur. Mais le club de pétanque, en définitive, quand tu vois les Marseillais, des fois, sous les platanes, qui jouent à la pétanque, ça reste aussi un sport de loisir. Hein. Ben, ils iront au loisir. Oui, avec. Mais moi, le loisir, je suis pour le prendre. C'est ce que je vous ai dit, faire deux clubs dans le club. Ouais, ouais. Le loisir, moi, j'en veux. Je veux mes anciens qui viennent jeter leur boule, rigoler, plaisanter avec nous, avoir la famille qui vient. Moi, c'est mon plus grand plaisir. Ce serait mon plus grand plaisir, le mercredi après-midi, avoir des familles qui viennent sur nos jeux, jouer pour leur loisir. Mais apprendre la compétition. Oui, la compétition, oui. Apprendre la compétition. Le but final, c'est ça. Le but, c'est de faire de la compétition. Mais on a besoin de ces gens, nos petits anciens qui viennent boire leur petit canon, ouais, comme tu me disais tout à l'heure. On en a besoin. C'est eux qui vont faire vivre ce sportif. C'est eux qui vont payer ce sportif. Hein. Parce que le sportif ne va pas te faire payer. Il ne va pas te faire rentrer d'argent. Hein. Ouais, l'argent, tu vas le rentrer avec ces gens-là. Hein. Et ces gens-là, c'est tout à leur honneur. Et moi, je retire mon chapeau aussi. Hein. Ouais. On a besoin d'eux. Hein. D'autant que vous avez un clubhouse qui est magnifique et puis des terrains qui sont magnifiques. Oui, tout a été refait. Vous avez combien de terrains maintenant ? On a 18 terrains. Ah, oui. On a 18 terrains, donc tout a été refait à neuf année 2020. Donc on a investi entre le clubhouse et les terrains, je crois que c'est un truc comme 9 800 ou 9 700 euros par nos propres moyens. Hein. La municipalité, on n'a rien demandé à la municipalité. Financé, ouais. Financé par notre propre moyen. Club, ouais. Nous avons changé aussi toutes nos tenues, donc c'est un truc de 5 600 ou 5 700 euros. Cette année, budget 30 000 euros cette année, donc 17 000 euros d'investissement, bénéfice de l'année 7 000 euros sur 15 mois, en ayant investi 17 000 euros par notre propre moyen. Donc la municipalité, nous n'avons rien demandé à la municipalité. Et je vais encore donner un autre truc, c'est que nous, cette année, un courrier va partir cette semaine, comme quoi nous ne prenons pas notre subvention de la mairie, nous en faisons cadeau. Non, je préfère que la municipalité, je pense qu'il y a d'autres clubs qui ont besoin plus que nous. Ouais. Nous, on n'en a pas, moi je l'annonce, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de cette subvention pour vivre cette année. On parlera plus tard pour 2023 parce que j'aurai peut-être besoin de la municipalité là en 2023, mais pas financier. Hein. Ça sera surtout au niveau technique. Donc je préfère qu'ils m'aident en 2023 au niveau technique et leur faire qu'ils en fassent don à un autre club ou comme ils veulent. Moi, je connais des petits clubs comme l'Aviron, le tir à l'arc, qui n'ont pas de rentrée d'argent. Puis nous, qui ont perdu des licenciés aussi. Qui ont perdu des licenciés. Ouais. Nous, l'avantage, tout sport boule. Que ça soit longue, pétanque, moi je ne veux pas parler des autres parce que je m'en fous un peu des autres, je parle de la pétanque, nous on s'autofinance, j'ai toujours dit à monsieur le maire, nous on s'autofinance, après je ne veux pas dire on va s'autofinancer à faire 20 000, 30 000, 40 000 euros, mais s'il faut changer une fenêtre, s'il faut changer une serrure, s'il faut mettre un camion de gravier à 1 000 euros, ça on peut le faire, on s'autofinance tout seul. Voilà, ça c'est sûr et plus que certain, ça c'est un but que je me donnerais. La municipalité nous met des locaux à disposition. Hein. On ne paye pas de chauffage, on ne paye pas d'électricité. Il y a un moment donné, je pense qu'il faut aussi remercier la municipalité de ces choses-là quand même. Ils nous mettent un terrain, on a un cadre. On a peut-être le plus beau cadre du département de l'Inde, ou pour la pétanque. On ne va pas les demander. C'est pas... Moi, je préfère que la municipalité m'aide. On parlera de 2023. J'espère que la municipalité, enfin j'en suis même sûr que la municipalité va nous suivre, parce qu'ils suivent tous les clubs sportifs et culture, comme vous parlez tout à l'heure. Je pense qu'ils aident beaucoup les clubs, et c'est tout à leur honneur. Hein. Donc nous, on a décidé cette année qu'on ne prendrait pas la subvention. Ça veut dire, on peut en parler déjà de 2023, parce que... On y va. Ou même 2022. On parle 22. Déjà de 22. Comment vous voulez pas parler d'objectif club maintenant? Si, bien sûr qu'il faut parler. Avant de... Oui, bien sûr. Donc, objectif du club 2000, on va parler sur 2, 3, 4... Alors, on va monter même à 5. Voilà. 2022, cette année, il va avoir certainement, on va dire, un beau concours, mais qui va se faire sur 5 jours. Donc, quand je parle de 5 jours, il va se faire en 4 vendredis ou 4 dimanches, on ne sait pas encore, 4 vendredis ou 4 dimanches, qu'on appelle ça des qualifs. Donc, ça va faire 4 concours de 32 doublettes, ou doublettes, oui, 32 doublettes. Et là, on prendra les 4 meilleurs pour faire une super finale, je pense, au mois de septembre. Avec une dotation qui va être entre 1 500 et 2 000 euros, au vainqueur. Donc là, on va attirer quand même de très bons noms du département, des départements voisins, les champions départementaux qui vont venir chez nous. Et j'espère encore mieux, j'espère avoir champion du monde tête à tête qui va venir. Mikey Molinas, qui est un ami à moi qui habite à Cluse. Donc j'espère qu'il viendra cette année. On va avoir Franck Millot, je vous dis, demi-finaliste championnat du monde. Et je pense qu'on en a d'autres qui arriveront. Je peux vous annoncer maintenant, depuis jeudi, le bureau de la pétanque valserenoise a pris la décision d'organiser un championnat départemental 2023, avril 2023. Un championnat départemental, ça sera le championnat départemental triplette qui va attirer entre 600 et 700 joueurs à Valserone. Et je pense que ça a dû se faire à Bellegarde dans les années 70, mais ça, il faudrait voir avec les anciens. Et il me semble qu'ils avaient fait un championnat dans les années 70 sur la place Carnot à l'époque. Ouais, ouais, ça me parle. Il me semble qu'ils avaient fait ça sur la place Carnot. Donc nous, c'est acté. On fera notre championnat départemental triplette avril 2023. Le lieu, je pense que vous voulez savoir où. Tout, on veut tout savoir. Vous allez me poser la question, donc je le dis tout de suite. Hein, avant que vous me posiez la question, parce qu'on va me dire, oui, mais objectif, où? Donc, je vais vous expliquer à peu près où ça va se passer. Ce championnat départemental, donc, il va nous falloir environ 120 jeux, va se faire, normalement, si monsieur le maire est toujours d'accord, mais je pense que là-dessus, il ne revient jamais sur ses promesses, donc je n'ai pas de souci là-dessus, va se faire sur le nouveau parking qui se trouve où se trouvait Leader Price, derrière Leader Price. Là, nous avons un grand parking qui est déjà tout en gravillon, donc là, il n'y a pas beaucoup de travaux à faire, à part tracer les jeux, mais ça sera pour nous. Et le comble de tout ça, ce championnat se clôturera par les phases finales au Théâtre de Verdure. Sur un cadre, je pense, un des plus beaux cadres de l'Ain. Et je pense qu'on va faire 2-3 jaloux dans le département. Bon, c'est déjà acté. Hein, ça s'est décidé cette semaine. Jeudi, en bureau. Jeudi. Ils sont les membres du bureau ont dit OK, on y va. Bon, après, je n'ai pas donné beaucoup de choix, mais non, je parle sérieux. Le budget, ça, Patrick ? Budget de département, c'est pas énorme. Hein. Budget, nous, ça ne nous coûte pas grand-chose. Le championnat, c'est surtout du travail et de la main-d'œuvre. Nous, ça ne nous coûte pas beaucoup d'argent. Ce qui va coûter de l'argent, c'est le concours que je vous ai parlé en 2022, c'est un budget, on va dire. 4 000, 5 000 euros, oui. D'accord. Donc, de là, 2023, projet régional, faire un régional à Belliard, pareil, au même endroit. Donc ça, ce régional pourrait se faire en juin ou septembre, on verra. Budget, on va parler argent, 3 500 euros, 4 000 euros. Et je pense que ce régional, on va essayer de le maintenir toutes les années. Donc jusqu'en 2025, 2026, et là, il y aura mon but, le but de Belliard, de Valserone, c'est d'avoir les masters à Belliard. Et je ferai tout ce qui m'est en pouvoir pour avoir ces masters à Belliard. C'est compliqué d'imaginer ça, les masters, oui, à Belliard. C'est... Pourquoi c'est compliqué ? Parce que déjà, il faut être bien placé au niveau du comité. C'est pour ça que je vous dirai quelque chose après. C'est pour ça qu'il faut être déjà placé dans le comité, essayer d'avoir des entrées dans la fédération française. J'ai deux trois personnes que je connais. Et de là, on se mettra en relation avec quarterback et organisateur des masters, budget. Pas beaucoup. 50 000. C'est 50 000. 50 000 euros. Non, mais voilà. Ça serait... Alors, si vraiment, Valserone Sportboule arrive à faire ça dans les 5 ou 6 ans, je pense que je pourrais partir et dire ciao, merci, messieurs, dames. Pourquoi partir ? Non, mais je rigole. Il y a un sacré challenge, hein, quand tout même. Tout de suite, voilà. Mais là, c'est futuriste. Hein. Il ne faut pas... Je vous dis... Mais pas impossible. Ceux qui m'écoutent, là, ils doivent se dire, là, il est taré. Mais... À l'impossible, nul n'est tenu. Mais moi, Patrick, rien ne me fait peur. Hein. Quand on vous entend, quand on vous écoute, quand on vous voit, on se dit, putain, il a peur de rien, quoi. Ah, moi, j'ai peur de rien. Moi, j'y vais. Hein. J'y vais, je ne dis pas que j'y réussirai. Je dis bien, hein. Je ne dis pas que je réussirai. Je dis, c'est un objectif. Je voudrais avoir les masters à Belliard. Et je pense que c'est tout à fait faisable. Quand je vois que Trévoux, 5000 habitants, a eu les masters l'année dernière, quand je vois Cluse, il y a 2 ans, 10-12 000 habitants, a eu les masters l'année dernière, pourquoi pas nous ? Mais pourquoi ? On a l'impression que Valserone, on parle de faire un truc à Valserone, c'est compliqué. Oh, mais vous êtes fous, mais comment vous allez faire ? Moi, je suis persuadé qu'on a des gens, des commerçants, des entreprises qui sont prêts à venir nous aider. Et ça, j'en suis persuadé. C'est pour ça qu'on va faire vendredi 18 décembre, on va inviter deux, trois personnes à une soirée privée. Donc là, je voudrais que les commerçants jouent le jeu. Je leur demande pas d'argent, hein. C'est pas ce que je leur demande. Je voudrais qu'ils viennent écouter mon projet de tous. On est 60 licenciés. Et je suis persuadé que si les gens, des entreprises, des commerçants, peuvent entendre notre projet, qu'ils veulent croire à notre projet, veulent le croire surtout. Je pense que tous ensemble, on peut faire quelque chose à Valserone de phénoménal. Moi, j'en ai marre d'entendre de ma ville dire « c'est compliqué ». Oh, bah dis donc, tu vois les choses comment ? Oh, bah dis donc, je suis désolé, 10, 15 mois, tripler les licenciés. Qui l'aurait cru ? On m'aurait dit, mais t'es taré. René, moi-même, hein, je mets René dans la gonfle, hein, parce que les 18 mois se sont faits avec René quand même. À l'heure d'aujourd'hui, on parle de championnat départemental. Il y a un an, je parlais de championnat départemental. On me disait, mais t'es complètement malade. Comment veux-tu faire un championnat départemental à Belliard ? Ben, championnat départemental 2023 va se faire. Maintenant, on parle d'un régional. Régional, Nantua fait un régional depuis 10 ans. Pourquoi pas Valserone ? Pourquoi ? Encore hier, on était avec les gens de Nantua. Eux, pour avoir du sponsor, ils vont 50 euros par 50 euros chez les commerçants. Dites-moi pas qu'à Belliard, les gens ne le feraient pas. Je suis persuadé que nos commerçants, nos entreprises joueraient le jeu. Ils jouent le jeu avec le foot, ils jouent le jeu avec le rugby. Et on a un vice-président qui est arrivé, c'est quand même un bon nom, c'est Jocelyn Rosa. Hein, voilà, on va parler de lui. Jocelyn est là pour emmener tout ça. Parce que lui, il est jeune, il est encore plus jeune que moi, mais il est un peu plus fou que moi encore. Hein. Parce que lui, je peux vous annoncer ce qu'il veut faire. Mais je ne vais pas le faire parce que là, ils vont nous prendre pour des débiles. Ouais, il faut qu'il nous appelle hein, là, pour nous dire les choses. Parce que... Non, mais là, Jocelyn, vous l'écoutez, c'est ouais, Pereira ouais. Patrick multiplié par 5. Hein. Mais le mec, il a 29 ans. Le mec, il a monté son entreprise il y a 5 ans. Vous avez vu où il en est, ce mec-là ? C'est vrai. Hein. Exact. Ouais. Eh bien, il est exactement pareil dans le sport. Et moi, je suis revenu là parce que je savais qu'il était avec moi. Et lui va me donner un coup de pied dans le cul pour y aller. Il va me le donner, ce coup de pied dans le cul. Parce que lui, il a 29 ans, j'ai 56. Hein. Moi, j'ai rien à prouver. J'ai rien à prouver. Mais ce gamin-là, mais lui, il va nous faire exploser le système. Dans la pétanque, il va faire exploser le système. Parce que moi, je sais ce qu'il veut faire. Je sais où il en est. Et je sais qu'il y arrivera. Voilà. Vous citiez Jocelyn. Alors bon, c'est pas pour faire un coup de pub ou un coup de projecteur. Non, fais pas de pub. Moi, je parle de la personne. Je parle pas de sa boulangerie. Il y a quelques. Oui, puis il est devenu vice-président là. Il est venu. C'est juste qu'il y a quand même quelques bons partenaires qui vous suivent, Patrick et votre équipe. Alors, vous les citez souvent, mais c'est une forme de publicité cachée, j'allais dire non, parce que sans ces partenaires, les choses pourraient pas se faire. Pourraient pas se faire. Pour l'instant, on a 6 ou 7 partenaires. On en a 6 ou 7. Le but, c'est d'en avoir 10, 15, 20. Je vois pas pourquoi Concordia aurait 20, 30 partenaires. Je vois pas pourquoi l'USBC aurait 20, 30... Pourquoi pas nous, Valserone, Sportboule, aurait pas 10, 15, 20 partenaires. Pourquoi ? Je vois pas. Nous, on est légitime autant que le rugby, que le foot, bien non ? Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. D'accord. On est légitime, on est pareil. Hein. Je suis d'accord. Moi, je veux pas qu'on fasse... Moi, je discute encore hier avec Oyonnax. Quand on te dit à Oyonnax, tout est tout pour le rugby. J'ai rien contre le rugby. J'adore le rugby, j'adore le sport en général. Mais il y a un moment donné, non, allons-y. Ouais, mais pourquoi ? Nous, on discutait hier avec les gens d'Oyonnax. Oyonnax, pareil, hein, ils ont à peu près... Eux sont en train de dégringoler, mais c'est dommage, parce qu'ils ont un super cadre, ils ont un super truc aussi. Oyonnax, le problème, c'est qu'eux, ils n'ont plus la personne qui a envie d'aller de l'avant. Ils n'ont plus ça. Et là, ils ont un nouveau président qui est arrivé. Je pense qu'il est... Il est à peu près dans le même système que moi. Donc, il va repartir son truc-là. Les mecs, ils disaient... Moi, j'ai discuté avec les mecs de Oyonnax. Ouais, bah, de toute façon, on va pas aller voir des partenaires. Ça sert à rien, donne tout au rugby. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que ça dépend pas, justement, quand des partenaires font confiance à un club, ça dépend pas du niveau sportif ? Plus on entend parler d'une manifestation, plus on a envie de participer. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? L'antenne de Sorgé FM. Mais pourquoi je suis avec vous aujourd'hui ? Moi, je veux appeler ces gens-là. Moi, je veux les appeler... Je veux les appeler, qu'ils viennent me voir, qu'ils viennent. Et on va. De toute façon, des invitations vont partir pour le 18 décembre. Mais ces gens-là, je ne leur demande pas d'argent. Ce n'est pas ce que je leur demande. Je leur demande que les gens qui vont recevoir cette invitation, qu'ils viennent, qu'ils écoutent notre discours, qu'ils voient ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent. On en a tous besoin de l'argent. Mais je pense que ces gens-là peuvent rentrer avec nous et dire oui, c'est faisable. Mais on ne se rend même pas compte si demain, dans 3, 4, 5 ans, on peut avoir les masters à Belliard. Équipe 21 pendant 4 jours à Belliard. Mais arrêtez de me dire que ce n'est pas possible ou c'est trop gros. J'entends parler que ça, c'est trop gros. Mais arrête de rêver. Oui, je suis peut-être dans un rêve. Peut-être. Peut-être, je suis peut-être dans un rêve. Mais qui ne rêve pas des fois, mais n'arrive à rien. Mais je me donnerai les moyens de le faire. Vous savez, moi j'ai failli partir de Belliard, hein, au mois de juillet. J'ai failli partir de Belliard. J'ai trois clubs qui m'ont appelé, hein, qui croient en mes projets. Hein. Moi j'ai trois clubs qui sont prêts et qui écoutent mes projets. Hein. Sauf qu'ils ont un seul problème, c'est qu'ils n'ont pas les finances pour le faire. À un moment donné, je pense qu'à Valserone, on a des commerçants, et je le répète, des commerçants, des artisans, des entreprises qui aident pratiquement tous les sports. Tous les sports. Mais par contre, il faut jouer le jeu avec eux. Tu ne peux pas aller demander à monsieur, je vais prendre Jocelyn parce que c'est mon pote, je ne vais pas aller demander 600 balles à Jocelyn et aller acheter mon pain. Surface. Ouais, ouais. Non, mais même aller l'acheter au petit chaiserie. Oui, il oui, va oui. me dire, mais Patrick, oh, avec ouais. juste raison, tes 600 balles, bah, tu vas les demander au petit chaiserie. Et vice-versa. Hein. Ouais, tout à fait. On parce que moi, ça ne me dérange pas d'avoir une petit chaiserie de partenaire. Hein. Non, mais soyons ouais, sérieux. Hein. Voilà. Mais après, tu ne peux pas, moi, comme je connais certaines personnes, qui vont demander de l'argent à Belliard et qui vont acheter un métro. Ça, c'est impossible. Ça, ça peut pas exister. Tu peux pas faire ça. C'est impossible. Nous, notre partenaire principal, notre plus gros partenaire, je le dis, et je le répète, c'est Carrefour en bas. Carrefour au centre-ville. Moi, je le dis honnêtement. C'est une grande surface, mais il a joué le jeu avec nous. Ce mec-là, il a joué le jeu avec nous. Moi, il est venu me voir, il m'a dit, voilà. Il est venu nous voir, venez-moi. On est allé le voir. Et après, on a discuté parce qu'il aime un peu la pétanque comme ça. Il m'a dit, moi, j'ai aucun club qui est venu me voir. Aucun club est venu le voir. Il m'a dit, bah, je donnerai la pétanque et il nous donne un nom. Mais j'achète chez lui. Ouais. Oui, bah, mais bien sûr. Mais je crois qu'on est un peu tous... Mais c'est malheureux de parler comme ça. Moi, si demain, je prends Pierre-Paul ou Jacques qui me dit, Patrick, je te donne autant que Carrefour, bah, je vais... Moi, j'ai rien contre Carrefour, j'ai rien contre Provencien, j'ai rien contre Lidl, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est jouer le jeu avec tout le monde. Que ça soit Carrefour, que ça soit Jocelyn, que ça soit Pierre-Paul Jacques. Hein. On est d'accord. Ouais. Non, on est d'accord. Il faut jouer le jeu avec. Mais par contre, je ne veux pas entendre, comme certains commerçants qui ils disent, oui, ben, vous n'avez pas le droit d'acheter à l'extérieur. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'aller acheter à l'extérieur? Prouvez-moi, ou donnez-moi, vous êtes moins cher. Parce que moi, c'est bien beau de me dire, t'as pas le droit d'acheter à l'extérieur. Moi, c'est bien beau, je veux bien l'entendre, je suis bel gardien, je veux bien. Mais moi, si demain, on est tous pareils, je défie. Oui, hein. Tout à fait. Oui. Moi, je défie les gens. Moi, si demain, j'achète un Orangina, je raconte une bêtise, Frangy ou ailleurs, à 50 centimes, et à bel gardien, on me le vend 80, eh ben moi, je suis désolé. On est tous pareils, et moi, je défie n'importe lequel, eh ben il ira acheter son Orangina à Frangy. Livré, hein, parlant. Voilà. Mais c'est pas, je parle de boisson, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être de la viande, ça peut être... voilà. Mais il faut que tout ça... Ça peut être du sponsoring caché. Faire cadeau d'un fût de bière, faire cadeau d'un kilo de viande. Mais moi, je ne me demande pas que de l'argent. Voilà. Waouh. Autre chose? Oui, autre chose. Elle va se monter quand, cette école? Alors, nous avons une personne... Pour revenir dans le... Oui, très bien. Donc 2022, on était 2022, donc il va y avoir absolument une école de pétanque. Donc là, c'est M. Anthony Rochette qui est en charge de ce dossier. Je pourrais vous en dire un peu plus le 2 décembre, c'est ça? Non, le 2, il m'a dit qu'il me donnait un dossier le 2. Anthony m'a dit le 2. Donc j'aurai un dossier complet fait par Anthony le 2 décembre. Donc là, j'aurai vraiment des billes pour vous dire exactement où on va. Mais je pense qu'on aura cette école de pétanque en 2022 montée. Il y a une demande, il y a des gamins qui ont envie. Oui, on est allé à la journée des associations au mois de septembre. Oui. Et on a eu 10-12 contacts de jeunes de 12 à 14 ans qui veulent jouer à la pétanque. Ce n'est pas du loisir, qui connaissent tous les champions, qui veulent jouer à la pétanque. Ouais. Ouais. Non, mais si, je pense que ça peut être un beau truc. Je pense que sur les 4-5 ans, ben, Valserone Sport Boule va être pas mal. J'espère en tout cas. Valserone Sport Boule pétanque. Mais alors, par contre, on peut parler de Valserone Sport Boule lyonnaise, où on a de meilleurs, on s'entend de mieux en mieux, parce qu'avant ils avaient donc eux avaient l'exclusivité du boulodrome, et depuis 15 mois donc j'ai pris rendez-vous avec le président monsieur Pascal Benin il y a 15, 16, 17 mois avec lui, où on a joué carte sur table, hein. Rien n'a été facile, hein. je vous annonce, hein, rien n'a été facile. Pascal a son caractère, moi j'ai mon caractère. C'était pas trop très facile. Et on en est arrivé à avoir des jeux en permanence à l'intérieur du boulot de Rome. Donc, à l'intérieur du boulot de Rome, nous avons 4-6 jeux de pétanque en permanence dans le boulot de Rome. En cas de concours, on peut organiser un concours, des concours. On a le droit à 4 ou 5 concours dans l'année au boulot de Rome l'hiver. Donc, cette année, 8 janvier, je vous donne rendez-vous. Concours au boulot de Rome à Belliard. Celui-là, je ne voulais pas l'annoncer tout de suite. Mais il arrive le 8 janvier, c'est le concours des rois. Le 8 janvier, c'est un 32 doublettes. Et il se verra dans le boulot de Rome pour faire découvrir tout ça. Et voir, et faire voir aux gens qu'il est possible, même avec des gens de dur caractère, parce que je pense qu'on ne pouvait pas trop s'encadrer, hein, Pascal et moi, hein, c'est réciproque, je pense. Mais on est arrivé main dans la main et se dire maintenant, bah, on fait un enjeu de 150 licenciés. Lui en a 70, nous on en a 65, on va monter 70-75. Et à l'heure d'aujourd'hui, et bah, Pascal et moi, tout va bien. Et on peut faire vivre 150 licenciés dans un boulot de Rome à deux présidents. Alors c'est du boulot, vous me tendez la perche Patrick, parce qu'en off, là, quand on buvait le café tout à l'heure, vous me disiez « oui, ben, je ne joue plus tellement à la pétanque, je n'ai pas le temps, ça me prend des heures et des heures de préparation, de boulot, de... Mais je sais pas pour gérer un club. » Alors, pas seulement vous, je pense à Véro qui est avec nous, et puis il y a d'autres membres, ben, Jocelyn aussi qui va... c'est du boulot, c'est pas simplement avoir du boulot dans un club et puis... Alors moi les gens veulent... je pense que les gens ne vont pas le croire ce que je vais dire là, mais moi je vous le dis. Moi, la pétanque Valserone Sport Bowl me prend depuis 15 mois, je le dis haut et fort, entre 15 et 20 heures par semaine. Je travaille entre 15 et 20 heures par semaine. C'est un plaisir, hein. Je ne me plains pas, hein. Parce qu'il y en a, ils vont dire, je me plains pas. C'est un plaisir de le faire, mais ça me prend entre 15 et 20 heures à moi. Je ne compte pas les heures des secrétaires, je ne compte pas les heures des trésoriers, je compte mes heures à moi, c'est entre 15 et 20 par semaine. Entre les coups de fil, la fédération, comité, et j'en passe, régler les petites histoires entre licenciés, parce qu'il y en a un qui n'est pas content de l'autre, parce que l'autre, il ne veut pas jouer avec lui, puis il ne veut pas jouer avec moi. Donc faire la police, quoi, quelquefois. Ouais, en tant que président. Non, j'en fais pas. Non, non je sais pas. Ils démerdent, ils sont grands. Hein. Oh. Moi j'ai 56 ans, tu crois pas que je... Non, mais c'est normal, c'est logique, je pense que dans tous les clubs, il y a des problèmes. Regardez au PSG ce qui s'est passé dans l'équipe féminine. Ils se sont tapés sous la gueule pour une qui n'allait pas jouer à l'équipe. Alors comment voulez-vous, nous, dans un club de pétanque, ou dans un club ailleurs, ça n'arrive pas. Et je suis un grand supporter du PSG, hein, je vous annonce quand même. Non, mais sérieux. Ouais, c'est assez logique, ouais. Mais je vais pas aller me dire, toi tu vas aller jouer avec lui, hein. Ça c'est leur problème, hein. Puis si l'autre, il veut taper sur la gueule à l'autre parce qu'il joue avec l'autre... Non, mais quelquefois, enfin, quelquefois, Patrick, un président doit taper du poing sur la table. C'est quelquefois. Pas... Non. Non. Non. Non. Non, je sais pas. Non. Non, moi, je pense pas qu'il faut taper... Alors, je vais pas parler de taper de poing sur la table. Et à un moment donné, si tu veux faire passer tes objectifs et si tu veux faire passer ce que tu as envie de faire passer, il faut t'imposer... S'engueuler. Ça me rappelle un petit épisode, il y a juste une semaine. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale, à la fin de l'Assemblée générale, on va voter, vous allez voter. C'est pas Patrick Pereira contre Cavazza, c'est Patrick Pereira contre Patrick Pereira. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, c'est à eux de choisir s'ils me veulent président ou s'ils me veulent pas. Voilà, ils ont décidé qu'ils me voulaient, je reste. Il ne m'aurait pas voulu, je prenais mes clics et mes claques et je me barrais. Il est où le problème ? Moi, la pétanque, ce n'est pas ma vie. Moi, je veux faire... Ah, c'est un petit peu quand même. Non, ce n'est pas la pétanque, ma vie. C'est ma ville. Oui. C'est ma ville, Valserone. Oui. Ce que j'ai fait à la pétanque, j'aurais pu le faire ailleurs. Hein. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends. Mais en même temps, tu vis quand même un petit peu sur le bassin belgardien. Tu es né là, tu l'as dit. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais donc, ce que mes objectifs pétanques auraient pu se retrouver. Je raconte pas de bêtises. J'aurais pu se retrouver au foot. Hein. Ouais. Ouais. Je me suis mis à la pétanque en 2006. Moi, j'ai toute ma famille qui était à Concordia. La famille du parc était quand même toute à Concordia. Hein. J'aurais pu rentrer Concordia. Après, c'était pas mon truc. Mais ce que je dis à la pétanque, j'aurais pu dire exactement pareil, me dire, je monte une équipe de foot pas en Ligue 1, mais comme Vallière, et voilà. C'est ma vie. Ce que les gens veulent, comprennent, c'est pas pour me faire mousser de Valserone Sportboule. Mmh. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est ma ville, ville. Moi, je suis né ici, je suis né en 1966 à Béliard, au Valserone. Maintenant, on est Valserone. Je prends le Valseronois. Je suis un vrai Valseronois. Et un vrai. Et je me battrai jusqu'au bout pour ma ville. Voilà. Et en plus, j'adore mon maire. Donc, voilà. Donc, je ferai encore un peu plus. Et si demain, c'est un autre maire, je ferai exactement pareil parce que je suis un Valseronois. Voilà. Sauf que, voilà, Régis, ça fait 20 ans qu'on... Tout le monde le sait, je travaille à la commune de Valseronde. Donc, ça fait 20 ans que je travaille avec une équipe, avec Régis Petit, qui est un mec humain, qui aime le sport, qui adore le sport, qui adore la culture. Voilà. Et il faut le remercier, il faut remercier son équipe pour faire ce qu'ils font pour tous nos sports, pour tous nos sportifs qu'on a et toute la culture béliardienne. Je ne sais pas, on est combien d'associations? 88 Peut-être un peu plus. Oui. En tout, on est. Je pense que c'est pas mal, hein. Et c'est quand même grâce à des municipalités successives, quand même, qu'on en est arrivé là, que tous ces clubs-là arrivent à vivre un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des clubs comme nous, qu'il faut aussi qu'ils fassent des efforts, dire on est en période difficile, tout le monde a vécu une période difficile, nous on s'en sort, je suis persuadé qu'on est le club qui s'en est sorti le mieux du Covid, de tout le bassin de Béliardien, j'en suis même persuadé. Pourquoi je prendrais ma subvention? J'ai fait plus 7000, pourquoi j'irais prendre une subvention? Pour quelle raison? Pour laisser un petit club comme... Je raconte une bêtise, hein, je ne sais pas exactement. Un club comme l'Aviron, où j'ai vu il y a 2 ans, l'Aviron cherchait 8000 euros pour acheter un bateau. Eh bien, moi, je suis désolé. À un moment donné, il y a des clubs, au lieu de toujours pleurer, nous, on n'y arrive pas. Nous, ça va pas. La mairie nous donne pas ci. Pourquoi la mairie nous donne pas encore ça? À un moment donné, allez voir ce qui se passe ailleurs. Hein? À un moment donné, moi, je suis désolé. Moi, je connais des clubs qui achètent des licences à leur fédération à 70 ou 80 euros, qui les revendent 190 balles. Nous, on achète une licence 38 balles, on la vend 45. Moi aussi, hein, je peux gagner de l'argent comme ça. Pas de souci, hein. J'aurai autant de licenciés, hein. Je suis persuadé. Hein. J'achète ma licence 38, je la revends 120, 130, 140. Pas de problème, hein. Pas de souci. Moi, je suis désolé. Cette année, alors, c'est avec René Cavaza. Hein. On est bien là, sur les 15 mois, René Cavaza, Pereira, Patrick. On est quand même arrivé à faire une licence sur vêtements polo à 70 euros pour tout le monde. Mais vous croyez qu'on a claqué des doigts parce qu'on a, on les a pas volés, les tenues. C'est toutes des tenues de marque. Mais parce que je pense... que les gens, il faut arrêter de se foutre de leur gueule. Arrêter de se foutre de la gueule. Je sais, il y en a des clubs qui vont me dire « Oui, nous, on a des employés, il faut payer nos employés. » Ok. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes à 200 balles de la licence, dans les conditions qu'on est à l'heure d'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face si on perd 20, 30, 40% de licenciés. Hein. C'est un peu normal. Hein. C'est un peu logique. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Il y a des gens qui en bavent. Hein. Voilà. Mais chacun voit sa politique. Moi, je ne veux pas donner de leçons aux autres. Hein. C'est pas mon but. Hein. C'est pas mon but de donner des leçons aux autres. Mais à un moment donné, il faut arrêter de pleurer, dire la municipalité ne donne pas ci, la municipalité ne donne pas ça. Moi aussi, je voudrais un boulodrome tout neuf. Hein. Moi aussi, je voudrais que la mairie me fasse un boulodrome tout neuf. Hein. Moi, je voudrais un boulodrome à 2 millions d'euros. Hein. Il n'y a pas de problème. On peut appeler Régis Petit, lui demander, mais je pense que ça ne passera pas. À un moment donné, quand t'as de l'argent dans tes caisses, comme nous on a, comme certains ont, le boulodrome municipal, si chacun aurait joué le jeu, aurait dit, écoutez, on met 4-5 clubs de longue, clubs de pétanque, on met 4-5 000 euros chacun, par année, pour rénovation du boulodrome. Si tout le monde aurait fait ça, au lieu d'attendre que la municipalité balance encore 5 000, 6 000, 10 000, 15 000 euros, si tous les clubs auraient fait ça, au lieu d'avoir 20, 30 000 dans les caisses, 5 000 euros par an, le boulodrome, ça sera un bijou. Ouais. Mais je dis bien, je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens. Moi, je vois comme moi je vois les choses. Voilà. Voilà. Il faut arrêter de dire la mairie fait pas. La mairie fait pas. Pourquoi la mairie fait pas? Oui, on peut être pour, on peut être contre le complexe sportif qu'ils vont faire. Bien sûr, on va dire ils ont fait le tennis. Bah, pourquoi ils n'ont pas fait un boulot de rond? Non, mais moi aussi, je peux aller voir Régis Petit, lui dire, mais pourquoi t'as pas fait un boulodrome au lieu de faire un tennis? Pourquoi? Pourquoi tu mets, je sais plus ce qu'il y a, il y a le tir à l'arc, je crois, je sais plus quoi, non. Pourquoi il met le tir à l'arc, mais pas la pétanque, ou la longue, ou quoi que ce soit. Il va faire, je sais pas, on parlait là tout à l'heure de 88 associations, il va faire 88 bâtiments neufs. C'est ce que je suis en train d'entendre, Abelia. Il va faire 80 bâtiments neufs. Un boulodrome, c'est 2 millions d'euros. On va dire 1,5 million, 2 millions. Et vous ne croyez pas que la gym, on va revenir à la gym, 630 adhérents, vous ne croyez pas qu'eux ne méritent pas quelque chose au lieu de nous, avant? Moi, je suis désolé. Moi, si demain, on me dit, Patrick, on met 3, 4, 5 millions pour la gym, 630 gamins, allez-y, c'est normal. Ben, le boulodrome, il attendra 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je comprends. Je suis d'accord, le basket a besoin d'une salle. Je suis d'accord que le monde a besoin de quelque chose. Mais tout le monde a besoin de quelque chose. Tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'un local? Tout le monde, vous aussi. Non, ça va là pour le moment. Non, mais... Pour l'instant, ça va. Nous, ça va. On est bien logés. On est bien traités par la commune. Mais voilà. Non, on a de très bons rapports avec le maire. Mais je sais très bien. Tout va bien. Non, mais c'est ce que je veux dire. Moi, j'ai de très bons rapports. Mais moi, quand j'entends des choses, il y a des choses, je ne suis pas d'accord avec certaines personnes. Mais je dis bien. C'est pas des leçons que je donne. Hein. C'est pas des leçons. Hein. Parce que moi, je n'aurais pas géré des clubs à 300 personnes. Hein. Ça, je n'aurais pas le faire. Mais à un moment donné, s'apitoyer sur son sort, on va chercher des solutions. Hein. Je sais pas, je dis pas qu'il y a des solutions miracles hein, dans la vie. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Mais je pense qu'à Val-sur-Rhône, il y a des solutions financières et bénévoles et tout ce qui s'ensuit. Il y en a pas mal. Oui, mais tous les clubs n'ont pas un président qui s'appelle Patrick Pereira. Il y a pas non, mais un coup de crème, ça va pas faire de mal. Je connais des gens qui sont très bien. Je connais Guillaume à Concordia, j'adore Guillaume. Oui, oui, oui. Sébastien Jourdan, j'adore Seb. C'est des gens où j'apprécie énormément. Ils font un super boulot. Guillaume a fait un super boulot. Oui, oui. Guillaume, avec, je ne connais pas le président de Châtillon, je ne connais pas la personne. Ou l'entente des jeunes, ce qu'ils ont fait, c'est... Ah, oui. Qui aurait cru il y a 10 ans? Oui, mais c'était un peu mettre le... Non, mais moi, j'ai vécu à Concordia. Il faut avoir vécu à Concordia. Moi, j'ai vécu dans Concordia. Mais ils étaient coincés parce que Régis avait tapé du... Ah bah oui. Non, mais il avait tapé beau, en disant, faites quelque chose, sinon je suspends. Je suspends une subvention. Ça a été vite vu, hein. Oui, faut aussi se mettre dans le contexte. Aujourd'hui, on est Val-sur-Rhône. On est d'accord? Avant, on n'était pas Val-sur-Rhône. Tout à fait. Rappelle-toi quand il y avait les Espagnols. Quand les Anglais. Vanchy, l'Ancran. C'était. Voilà, quoi. C'était le... Mais ils ont fait du bon boulot. Oui. Bah oui. Et je pense qu'ils sont en train de sortir un beau truc aussi. Le rugby est en train de faire revenir tous ces jeunes qui reviennent chez eux. Mais moi, j'ai trouvé ça phénoménal. Moi, je trouve ça phénoménal. Mais maintenant, moi, j'aurais passé devant eux. Mais. Difficile, hein. Concordia. Tu n'y arriveras pas. Licencié, Concordia 300, l'US combien 200? Tu n'y arriveras pas. Oh, dans les 5, je peux y arriver. Non. Dans les 5, j'y arriverai. Dans les 5? Ah, dans les 5? Ah oui, dans possible. Les 5, je vais y arriver. C'est possible. Dans les 5, je vais y arriver. Gym, ah, il y a le tennis 220. Ah, mais je peux y arriver. On fera tout ce qui. Non, je rigole. Non, mais moi, je retire mon chapeau quand même à ces présidents parce que bravo. Surtout avec la période qu'ils ont vécue. Ouais. On arrive au bout de cette émission, Patrick. Ouais. Allez-y. Ça va, c'est bon? Ah, mais moi, je suis chaud bouillant. On relayera toutes les informations concernant le club, évidemment. Ouais. Tout ce qui se passe ou ce qui va se passer, avec de jolis rendez-vous, franchement. Je vais donner trois dates. Hein, tu peux? Ah, bien sûr. Les dernières, après, j'arrive. Bien sûr. Donc, j'insiste, le 18 décembre, des invitations vont partir à certaines personnes. Je désirais que ces gens viennent me rencontrer. Écoutez mon projet. Je ne leur demande pas d'argent, je leur demande d'écouter mon projet. 2022, on va avoir un gros concours à Belliard sur 4 journées. Enfin, 4 vendredis ou 4 dimanches avec une super finale. Nous avons notre rendez-vous du mois de mai, le lundi de la Pentecôte, avec nos tête-à-tête et nos doublettes. Je pense que ça va faire un gros truc. Et je vous donnerai rendez-vous après, c'est 2023 pour le championnat départemental. En tout cas, je remercie Sorgia FM. J'étais un peu long. J'ai été un peu long, je pense. Mais je vous remercie beaucoup, en tout cas. Vous n'avez pas donné le rendez-vous pour les masters? On en reparlera au fur et à mesure. On en reparlera au fur et à mesure. Je taquine. Mais non, mais j'ai bien compris. Mais il y en a beaucoup. Là, je pense que dès que je vais sortir de là, je pense que je vais me faire allumer. Mais j'adore ça, vous savez. Moi, j'adore me faire allumer. Justement, ça donne après du fil à retordre et puis ça donne peut-être des idées et puis peut-être que ça fait avancer le schmilblick. Hein. On ne sait pas. J'espère que si les... demain, je ne sais pas, si je sors et puis famille me donne 2-3 000 balles ou Galia qui croit à mon projet, on ne sait pas ce qui va arriver. Et si monsieur le maire m'appelle, il me dit je te donne 25 000 pour le master. Bon, on va laisser les lignes ouvertes, alors le téléphone. On ne sait pas, Guy Larmangin avec le départ. Ça peut être dans les possibilités, ça. Guy Larmangin avec le département. Ah, Guy, pourquoi pas, oui. Guy peut bien me trouver 5 ou 6 000. Oui. Et puis après, on va voir Vauquier pour la région, il va bien me trouver 4-5 000. Et j'ai bouclé mon master, hein, 50 000. Non, mais c'est vrai, vite, ouais, hein, non, mais... mais c'est pas impossible, hein. Non, mais voilà, mais j'espère. C'est... Alors, les masters... ceux qui écoutent là, il faut pas qu'ils se foutent de ma gueule. Hein. Je sais qu'il y en a qui rigolent, hein, qui sont en train de dire Pereira, il est complètement taré. Mais c'est un but personnel et je suis persuadé et j'en suis sûr que 5-6 ans, ce master, si on se donne les moyens, on y arrivera. Et j'en suis persuadé, je veux y arriver. Là, je vais me faire défier, hein, j'en suis persuadé. Je vais sortir là, je vais aller boire un coup à quelque part. Je vais me faire défier de tous les côtés. Mais c'est pas grave, j'adore ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, merci. Patrick, d'être venu. Véro, merci. Gros bisous. Ben oui, elle n'a pas parlé, mais elle était avec nous. Merci, Guy. Merci Ludo. Merci. Et aux auditeurs, aux auditrices. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous êtes vraiment, vraiment des gens exceptionnels. On fait le travail, c'est tout. Moi, j'adore. Oui, je crois j'adore. Que... En tout cas, vous aurez les soutiens de la Valsoron Sport Bowl. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre. Merci encore, Patrick. Voilà. Merci beaucoup. Ludo, on envoie le générique et puis à très très bientôt. Cette émission sera rediffusée dans une semaine, dimanche à 11h. Ok. Et on boit un coup. Ah oui, bien sûr qu'on va boire. Merci, un coup. Merci, Ludo, encore. La santé,